Skyrock. Let's go! Dimanche soir, minuit, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go! Are you ready? Passez une bonne soirée, bienvenue Rail Suprême comme chaque dimanche soir avec DJ Case qui est là. Comment ça va, Case? Bah, comme toujours, on est là, on va exciter tout le monde comme tous les dimanches soir. On va les rendre fous. Je vois, dans le studio, il y a 2-3 excités. Et ouais, 2-3 excités, dont un, Ritza, je l'ai ramené avec moi parce qu'on a un gros titre qui sort là, est sorti minuit sur iTunes. Ouais, c'est parti. On peut le trouver dès maintenant. C'est Ritza et Axel Tony. Le titre s'est validé, il est très attendu et il est désormais disponible. Donc, exactement, il faut cliquer. Ritza, comment ça va? Ça va super, et toi? Quelles sont les nouvelles d'Orléans? Quelles sont les nouvelles de ta vie d'ailleurs en général? Bah, tout va bien, hein, ça continue. Il joue toujours au foot. C'est vrai, tu continues? Ouais, là quand il y a le temps. Mais un petit peu moins. Donc là, t'es monté ou pas? Il y a une progression ou pas pour la saison prochaine? Ah là, je suis en train de régresser, je m'entraîne plus. Ah merde. Je fais une accélération, je sors. C'est fini. Bah là, c'est, en même temps, c'est trop de boulot aussi en ce moment. Voilà, c'est ça. Bah, on prépare un autre album en un plus. Un nouveau de projet Case, là, qui est très très lourd, celui de DJ Case. Donc ouais, celui de DJ Case, on va pouvoir le mettre 15 maintenant soir, d'ailleurs. Là, justement, on va le faire découvrir. Et en fait, on a pu balancer des extraits qui excitent un peu la foule sur le net du titre validé, donc des extraits du titre avec Axel Tony. Et les gens, ils l'attendent, et là c'est le jour J, donc maintenant vous pouvez y aller. Et bon, faut cliquer. On va donc le balancer dès maintenant. Tu vas l'ambiancer d'ailleurs, toi Ritza, tu restes un peu pendant une heure pour être suprême. Il va être là, il va et faire c'est le lui qui ambiance. Je l'ai amené en soirée avec moi la semaine dernière, il a pris le micro, il a mis le feu. Et bah, c'était lourd, hein. Faut le voir, DJ Case sur scène. Il donne tout. Le prochain, c'est Fred. C'est bon. Et bah, toi là maintenant aussi, donne tout, Ritza. C'est parti pendant une bonne heure, Rail Suprême, coup d'envoi. Skyrock. Moi, je suis sur moi, ça dit quoi? Tu vas où cet été? Vas-y là, frère, toi. Bah, moi, je vais au Maroc, hein. Toi, tu vas où? Ah, ouais, moi, je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah, ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah, ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là, y'a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? Ah, ouais, mais c'est la hasse, gros, j'ai que 10 euros. Quoi? Jusqu'à Casablanca. Algérien, j'ai le drapeau facile. Seulement sur Skyrock. Hashtag Rice Suprême. KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, carré sous les palmiers. Marocain, elle s'appelle Inde. Elle aime pas la funk, pourtant she got a thing. Mon but c'est les nœuds, mais qu'est-ce que tu crois là? Je veux faire des nœuds, tu en veux, tu en vois là. J'arrive dans le club, bitch, happy birthday. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. Salut la famille, c'est DJ Case. On se retrouve tous les dimanches soirs minuit 1h avec Fred pour une heure de mix de folie. Avec DJ Case. Avec DJ Case. C'est 2015, ok, je peux commencer à me la raconter. Ils savent tous que je suis coté, Dieu seul sait ce que j'ai de côté. Big up à tous mes frères, toujours en train de traficoter. Le comble pour un blindé, c'est de pas savoir sur qui compter. Je suis au coloc avec moi-même, non dans ma tête, je sais pas ce qui se passe. J'ai bu trois verres, je suis faillage toute la terre. Je rejoins l'espace, c'est qu'un boycott, je lève mon majeur. Je prends un selfie, je leur dédicace. Master, si je suis sur la piste, le platine c'est DJ Kai. Hashtag Rise Suprême, le 15 juin dans les bacs. J'suis en amie avec Natacha. Ce qu'elle kiffe c'est les chichos. Avec Aïcha Andisha. À Paris, elle se fait en pourri. Je me fais masser, je fais bronzer toute l'après-midi. Je goûte toutes sortes de cocktails, fraises, vodka, litchi. Bref, pour le moment, si j'investis, c'est pour la maman. J'ai pas trop le temps, donc s'il vous plaît, me parle à ma montre. Ce soir, chauffe tout le monde, même quand je le pousse à bout. On se croirait dans les Simpsons, les poussiers, je l'appelle à bout. Just Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Quoi de neuf la famille, c'est DJ Hmida, vous êtes bien sur Rail Suprême. Aïe aïe aïe. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Révèle, parfumée par l'oseille, you welcome Miss Vilaine. Elle dort sur le carrelage rouge Louboutin, son répertoire rempli de choupies. Elle danse jusqu'à la fin, il n'y a que elle sur la piste. Miss Vilaine est là, tout le monde dit Miss Vilaine est là, wish she had. Miss Vilaine est là, there she go. Miss Vilaine est là, mais quelle fraîche. Non. C'est Miss Vilaine, y'a pas de problème, elle brise tes chaînes. Non. J'voulais sortir. Sur scène, elle marche en équipe, que des vilaines. Elles sont ronces, c'est le capitaine. Elle fait la hlèle, la meuf saine. Mais elle est plus sale que la scène. Si les rats avaient un royaume, ce serait la reine. Oh Miss Vilaine, Miss Vilaine, ne me dis pas que tu m'aimes. Je ne pourrai jamais m'y faire. Voilà, tu pries de ce ciel. Mireille, quelle fraîche. Va finir, le cœur s'égare. Abandonné sur la piste, yeah. Mireille, quelle fraîche. C'est Miss Vilaine, y'a pas de problème, elle brise tes chaînes. J'voulais sortir, profiter. Mais les meufs comme ça, c'est pas la peine. Toutes les filles. Minuit, une heure. C'est Rail Suprême, mixé par DJ K sur Skyrock. Pas l'heure, le jour ou la night. Garde tout ton salaire, vas-y kiffe la life. Prends ton jean pour un short, une albeille. Profite de la sieste au soleil sur la playa. Petit cocktail, ice cream, sa papaya. Ne prends pas la tête, je suis avec tous mes gars. Posé au calme, casade sur les crânes. La température monte et on jette tout ça l'eau. Chicha sur la table, les pieds sous le sable. Couche de mon oeil sur le torse et sur le dos. Des barres de rire, des barres de lol. Ce soir on trinque, mais c'est sans alcool. Carré VIP et jusqu'à l'op. On voit le refrain, faut qu'on s'envole. J'en ai marre des speed toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Dubaï, Meknes, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. Hamida, au platine, t'ambiance jusqu'à valeur. J'ai zappé tous mes soucis, d'un mot c'est les sorties. À la bien mix party, le style, le Meknesi. Morocco Gangs, K-U-V-L-A-R. C'est moi qui rince, paré pour la guerre. Papa paré pour l'ambiance, Idi Hamida nous met ça. Minimum les petits pas dansent, toujours un ça. J'ai à la menthe, j'ai des bêtes de réseau. Vraiment pas de chance, ça raté ça. J'en ai marre d'être speed toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide. C'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. J'ai envie de me parer toute l'année. Faire en sorte de tout oublier. Sur ce son, viens, je vais te faire planer. Faire le vide et puis s'évader. Si t'as pas les lots, ne m'en parle pas. Une excuse ne sera valable. Je t'en vais donner ton si ouvrir t'es pas là. Tu vas rater un truc de mal. À la bien mix party 2015. Va t'ambiancer jusqu'au lendemain. K-E-V-L-A-R et DJ Hamida. En 2015, on te la fait à la bien. À la bien mix party 2015. Va t'ambiancer jusqu'au lendemain. K-E-V-L-A-R et DJ Hamida. En 2015, on te met au parfum. J'en ai marre d'être speed toute l'année. J'ai besoin de partir ailleurs. J'passe prendre du liquide cet été. On va foutre le fire. Dubaï, Meknes, Miami, Marrakech. Kiffe la chaleur. Jusqu'à pas l'heure. J'en ai marre d'être speed toute l'année. J'passe prendre du liquide cet été. Dubaï, Meknes, Miami, Marrakech, kiffe la chaleur. DJ Hamida, au platine t'ambiance jusqu'à pas l'heure. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. On est validé, nous, et par centaines. On est validé, nous, trois personnes. Dimanche soir, minuit, une heure, c'est Rail Suprême en direct sur Skyrock. Paris, New York. Dimanche soir, minuit, folie. La bague. Mais non, y'a j'ai pas l'âge pour ça. Et là, je commence à stresser en me demandant ce qui s'est passé. Et en plus, pour la dot, moi, j'ai même pas assez. Je dois avoir 10 euros cachés sous le canapé. Ah oui, en plus, j'ai pas de smoky. Je vais arriver, ils vont tous se moquer. Mais bon, Mali, c'est le mariage dérangé. Yalla, yalla, la dalle, on va tous se mettre. Se marier lui, je le vois mal avec une arrosa. Non, jamais. Sa mère surexcitée, elle croit que c'est elle qui va se marier. On entend que des youyou à la cité. Arrivé à la mairie pour féliciter. On voit déjà les darons bourrés. Hakim avait buté le cabriolet. J'ai vu Raja marionner. Elle a dans les enveloppes Boussama et Samra. Sous son 31 avec sa petite abeille. Khadi, aujourd'hui t'es super belle. Ah, ça veut dire hier Zahma j'étais moche. Un a dit la taille, tu es jaloux. Des selfies. À part ma femme dans la soirée, j'ai pas vu une selfie. J'arrive dans la plage, j'aime pas ça quand ils se mixaient. J'suis tellement bien sapé, j'vois tout le monde me fixer. J'vois des femmes se taper pour des bouteilles de jus. J'aime pas si, j'aime pas ça. Y'a tout le monde qui juge. Haha, y'a aussi une petite danse comme une avec. Avec mes rap sur la piste, on est tous lounés. Petit pas de danse avec ma femme sur la piste, même si t'es pas invité. Yama, baby, y'a Farid qui fout le bordel devant mes yeux. Oh my, j'suis marié, mesdames et messieurs. J'vois le daron de Sama qui gratte des cadeaux. Allez, sortez les couteaux, on va couper les gars. Attends, bon bah, j'espère que l'année prochaine ça sera. Et on dit ça, si t'écoutes, Farid il veut se marier avec toi. Se défouler, viens t'y inviter.

joint dans les bacs. Just Hot, Gigi Kaiser, Kylie Noiri Martin. Petite poupe au gel, t'as Kylie. Tu gères, t'as trop la gosse. Sagra la gravure, blé, blé, photo. Collectionne les comme Toy Story. Ta place de Warimana. C'est une loque, t'as Paris, Oran, New York. C'est nouveau, c'est nouveau. Et seulement sur Skyrock. Suprême en direct sur Skyrock. Kamel l'ancien, Aaron, Lou. Sur un compte DJ Case, à l'aise. Je vois tous les jeunes de France sont devenus balèzes. Pas dans la concurrence, j'ai passé l'âge. Et les mecs, laissez-moi prendre de l'âge. J'ai passé la frontière, je suis en Espagne. Le plus dur à faire, traverser leurs montagnes. Que des portes bagages à perte de vue. Tu retrouves vite le chemin si t'es perdu. Pour rester éveillé, enchaîne les rêves. On chante tous en. Arrivé devant le bateau, je vois que t'es marocain. J'en ai l'odeur du bled, ça y est, je suis bien. Je l'aime, mais grosse exclue. On s'arrête au resto, taper une bonne grillade. Les vacances commencent. Le 15 juin dans les bacs. Tête fatiguée, la route m'a tué. Encore quelques kilomètres et on est arrivé. La famille nous attend, ils ont tout préparé. On te raconte la route du bled. Validé et seulement sur Skyrock. Aïe, Skyrock. Le 15 juin dans les bacs, c'est DJ Justin Rico. DJ, tu connais le phénomène, ça rend toujours les dégâts. Demande à Justin, on est toujours dans les temps. Mais peu importe si tu m'aimes, mon cœur se tombe bien dans mon camp. Y'a trop de jalousie, à ce qui paraît, je dérange. On s'enchaîne, c'est du DJ Case. À fond dans la caisse, à fond dans la tête. T'es les charges sur ton tel. Toi t'es plus le même, je crois t'es fou d'elle. Appelle-moi pour un FIFA, appelle-moi pour un foot. T'en fais danser les défenses, nous. Fais lever la foule, bouge ton bras à ton épaule. C'est comme ça chez nous. Je te donnerai bien mon phone, mais ton père me regarde chelou. Yeah. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled, c'est validé. La vie va bien, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez. Pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez. Je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez. Salam, salam, eh. Allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te mali-malier. Direction le bled. Danse, vas-y, danse, moi je kiffe. Sors ta plus belle robe, tes talons, fais la diff. Oh mon dieu, danse, vas-y, danse, moi je kiffe. N'écoute pas les gens, oui c'est bon, fais ta hif. J'suis pas Ronaldo, j'ai pas de Lamborghini. J't'invite au McDo, c'était gentil, t'as la pimine. Non bébé, je rigole, fais pas ta timide. J'aime trop quand tu mignonnes, j'adore quand tu souris. Me fais pas croire que t'es fatigué. Non, non, question platine, t'as validé. Validé, c'est trop son, c'est les bonnes idées. On arrive, tu veux parier. Tu veux parier. DJ Kaze, Paris, Oran, New York. Le 15 juin dans les bacs, Justin Rico. Miss, trop belle, je suis mali-malié. Et seulement sur Skyrock. La vie va bien, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sur. pas besoin de parler. Je t'en prie, juste ouvre-moi ton cœur. Miss, t'es trop belle, je vais te marier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez, pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez, je crois que je vais m'en aller, moi. Allez, allez, allez, salam, salam, eh. Allez, allez, allez. Miss, t'es trop belle, je vais te marier. Direction le bled, c'est validé. Habiba, viens, j'ai besoin de m'évader. Morito à la main, calé sous les palmiers. Je les entends parler, ouais. Allez, allez, allez, pas que ça à faire, moi. Allez, allez, allez. Je m'en allais moi, allez, allez, allez, salam, salam, allez, allez, allez. C'est Rai Suprême le dimanche soir avec DJ Case, avec Ritza qui est là aussi avec nous. Yes, MC Ritza. MC Ritza, on vient juste d'écouter d'ailleurs. Validé. Validé. Voilà. C'est validé. Donc, n'hésitez pas à réagir sur, sur les réseaux sociaux partout. Sur iTunes, il est partout. Voilà. Et sur iTunes, il suffit d'appuyer sur validé. Exactement, et c'est ça. Dans la boîte. Et c'est validé. Voilà. Il est arrivé là, il y a quelques minutes maintenant. On peut donc l'avoir dès ce soir. On peut même précommander l'album et on a le morceau tout de suite. Le morceau pour le moment et la précommande vient la semaine prochaine. Ah, précommande semaine pro. Oui, la semaine prochaine. On est dans les arrêts de jeu. Donc c'est les derniers moments avant cette grande sortie le 15 juin prochain. Voilà, le 15 juin. Ah, c'est l'album qu'il faut. Hein. Si t'as pas cet album cet été, t'es même pas en vacances. Bah ouais, tu te souviens l'année dernière, Fred, il était pas sorti avant l'été parce que bon, il y avait un peu de retard par rapport au projet. C'était sorti le 25 août et là maintenant, bon, tout le monde nous l'a demandé pour avant l'été. Je l'avais promis au public depuis la rentrée dernière et là voilà, donc c'est le 15 juin. Donc j'espère que je vais faire des heureux. Et ça, est-ce que tu vas faire des heureux en soirée? Il y a des soirées annoncées ou bien pas sûr, sur cette semaine? Très bonne transition, Fred. Je sais toujours, je suis le roi de la transition. Alors demain, lundi soir, je suis au Vendôme, c'est vers la place de Vendôme, c'est un club à Paris. Le vendredi 5 juin, j'ai du côté de Marrakech, je viens. On va aller voir nos amis marocains, bah, moi aussi. Pas de problème. Et c'est au Sofitel, et samedi 6, c'est au Bim Kim que ça se passe je viens à Paris. Aussi. Oh, ok, pas de problème. Non mais je vais le prendre en MC, en même temps il va faire valider, on va valider. Je serai là aussi. Ouais, bah, il sera là tout le temps, sur toute la soirée. Partout maintenant. Et bah, loupez pas les rendez-vous avec DJ Case, on tue aussi sur les réseaux sociaux. Bien sûr, ouais, sur la page fan Facebook, DJ Case, sur Twitter, Instagram et Snapchat. Snapchat, le grand réseau social du moment. Voilà, DJ Case ah Paris. Ouais. Ah ouais, ça snap. Ah, ça envoie de la photo bizarre, hein. Ah ouais. Qui disparaît au bout de quelques secondes. Surtout Ritza, ouais. Non, je suis pas là-dedans. Elle disparaît jamais en plus, cette photo. Attention, les gars. Bon, Ritza, en tout cas, toi, t'es prêt à repartir ambiancé la deuxième demi-heure de Rai Suprême, c'est parti? Bien sûr, toujours. Méga motivé, il peut partir même pour 3 heures. Moi, ah bah, déjà, ouais. On va faire une trentaine de minutes, on verra après. C'est parti. Allez, c'est reparti. Let's go. Dimanche soir, minuit, c'est Rai Suprême en direct sur Skyrock. Are you ready? Let's go. Are you ready? Ça dit rien, frère, toi. Bah, moi je vais au Maroc, hein. Toi tu vas où? Ah ouais, moi je vais en Algérie, en Kabylie, tu connais. Ah ouais, mais attends, y'a un problème là. On traîne toute l'année ensemble, on va faire comment? Ah ouais, tu sais quoi? Viens, on va en Tunisie. Vas-y, lourd. Mais attends, là y'a un deuxième problème. T'as de l'argent pour l'essence? DJ Case. Ah ouais, mais c'est la hasse, gros, j'ai que 10 euros. Quoi? Va attendre. Paris, Warren, NYC. Just talk. crazy. وهران جزكا كاسا بلانكا انا وياك يا زين عمري زوج اليوم انا وياك يا عيني يا الحبيبه انا وياك يا زين عمري زوج اليوم انا وياك يا عيني يا الحبيبه دي جي كيس من يوجي بوسو ما بلا Algérien, j'ai le drapeau facile. Validé. Gros KTM, j'oublie les Champs-Élysées. Tropico à la main, calé sous les palmiers. D'ici, c'est pas des Marocains. Elle s'appelle Inde. Elle aime pas la funk, pourtant j'ai gardé. C'est les neufs, mais qu'est-ce que tu crois là? Je vais faire des neufs, je suis en voie. Paris, Oran, New York, c'est nouveau. Paris, Oran, New York, sur Skyrock. Je suis trop fraise. Le 15 juin dans les bacs, sur iTunes partout. Je suis trop fraise. DJ K. Magnum. J'suis trop frais, j'ai pas le temps. Je vis que la night. DJ Case n'a pas le temps. Il vit que la night. Parle-moi de bif, j'ai pas le temps. On vit que la night. J'viens de loin et j'ai pas le temps. Je vis que la night. Yeah. Resto, Frank Chic, Joli Go, Prestige, Nightclub, French Kiss, Carré Baby. Like cheating, like I really froze. Oh, I think that I found myself a cheerleader. Algérie. African Tonic, sahbi. Pfizer, je suis un chien. Okay. خاطر تلمان Yeah.

Là vous êtes pas prêt, moi je vous le dis, j'ai entendu, vous êtes pas prêt. 32 morceaux. 32 morceaux inédits avec la crème des crèmes des crèmes. Donc cet été. Les meilleurs artistes réunis. Et dès ce soir, on peut avoir le morceau validé. On peut l'avoir et récupérer le morceau de Ritza. Ritza, toi tu fais quoi dans les semaines et les mois qui viennent? Il y a quoi, Je prépare un double album. Bah, suite à mon Planète Rap, le vendredi j'avais fait un freestyle rap et j'ai vu que j'ai eu beaucoup de demandes là-dessus. Donc je vais pouvoir faire un double album et pouvoir donner aussi ce qu'on attend de moi et présenter une nouvelle facette de Ritza. Donc une partie un peu plus kickée. Voilà, un peu plus kickée, tout en gardant sur d'autres sons l'image que j'ai juste jusqu'à aujourd'hui. Il progresse de mois en mois, d'année en année. T'as une idée sur la sortie plutôt, quoi, fin 2015? Avant 2016. Avant 2016, sûr. Ouais, 30 chansons pareil. On essaie. Ouais, non, mais vraiment, ça y est, il a trouvé son style et le style correspond exactement à son public et il peut même élargir son public. On est prêt. Et moi, quand je l'ai découvert, il était principalement sur du love, mais on sentait qu'il était capable de faire. Aller plus loin. il est temps de leur montrer. Merci en tout cas d'être passé, Ritza. Merci à toi. On regarde la semaine prochaine. Le 15 juin, mesdames et messieurs. Et le 15 juin dans les bacs. Eh ouais. Paris ou New York. Ciao, merci. Le son, ça continue sur Skyrock. Ciao. Yo. Skyrock. New hip hop.